Ces flèches de rabattement ne concernent que les véhicules arrivant dans l'autre sens. La ligne est en pointillé de mon côté, donc le dépassement est autorisé. Personne n'arrive en face, même si la voie du milieu est commune aux deux sens de circulation, et personne n'est sur le point de me dépasser. Je peux continuer le dépassement. Réponse A.